boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'est la deuxième playlist de Steph. Non, toujours pas le soigner, mais mon pote de peau. On vient de commencer par le groupe de Wayne Hussey, de Mission UK. En 88, à la Bourse du Travail de Lyon, avec Steph, on avait assisté à leur concert, moment le plus mémorable de mes concerts des années 80, qui venait alors combler la frustration de n'avoir jamais vu le groupe précédent de Wayne Hussey, The Sisters of Mercy. Et par un heureux hasard, les Sisters, c'est le deuxième choix de Steph dans sa playlist. On écoute Alice, Sisters of Mercy. We'll be right back. against the wall so she can see the door. In case the laughing strangers go and crush the petals on the floor. Alice in her party dress, she thanks you kindly. So serene she needs you like she needs a trance to tell her that the world is clean. To promise her a definition, tell her where the rain will fall. Tell her where the sun shines bright and tell her she can have it all today. Spread the tarot in illusion, comfort lies the safest way, the straight and narrow. No confusion, no surprise. Alice in her party dress, to kill she thanks you, turns away. Needs you like she needs her pills, to tell her that the world's okay. To promise her a definition, tell her where the rain will fall. Tell her where the sun shines bright and tell her she can have it all today. Today. La grande époque des Sisters of Mercy, même si à l'époque, je ne suis pas sûr que Wayne Hussey était déjà dans la confrérie de Andrew, leader charismatique des Sisters, qui, plus de 30 ans plus tard, porte toujours haut les couleurs de la Black Wave. Charismatique comme l'est le groupe de Nine Hannon, de Divine Comedy, Divine Comedy, je sais pas trop comment on va dire. Une douzaine d'albums au compteur depuis les années 90, mais péché mignon de Steve, c'est les Smiths. Il a donc choisi une reprise des Smiths pour le troisième morceau du soir, avec The Divine Comedy. Young and alive, driving in your car. I never, never want to go home, 'cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, 'cause I want to see people and I want to see lights. Just driving in your car. Oh, please don't drop me home, 'cause it's not my home. There won't I be welcome no more. And if my double-decker bus crashes into strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tonight, yeah. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Just driving in your car, I never, never want to go home, 'cause I haven't got one. And if the double-decker bus crashes into us, to die by your side, such heavenly way to die. And if a 10-ton truck de There is a Light That Never Goes Out de Smith par le groupe Divine Comedy de Niall Hannon, Steph va nous faire basculer dans la pop légère des Écossais de The Trash Can Sinatras. Toujours un petit air des Smiths, pop mélodieuse, nous dit Steph, où les guitares guillerettes prédominent, notamment dans leurs deux premiers albums datant de 90 et 93. On écoute donc Trash Can Sinatras, que je découvre avec vous. Tell me it never will be. Dans sa première playlist pour Pop and Rock, Steph nous avait offert The Feel Might, issu du label indépendant Sarah Records. Et bien on retourne chez Sarah avec le groupe Another Sunny Day, avec leur morceau préféré de Steph, You Should Be Murdered. Pour la petite histoire, le chanteur Harvey Williams allait rejoindre par la suite The Feel Might, groupe star de Sarah Records. L'album date de 92, il s'appelle London Weekend. Le morceau choisi par Steph, You Should Be Murdered, on écoute Another Sunny Day. est pas mal chez Sarah Records. On va donc écouter San Christopher, encore un groupe Sarah Records. Le seul du label que Steph a vu en concert à Paris dans les années 90 au Rex Club devant 2-3 pelés étendus, nous dit-il, tandis que le même soir avait lieu le Festival des Inrock. À chacun sa vérité, à chacun ses choix. Nous, ce soir, on écoute San Christopher avec le morceau Here Comes the Past. Deuxième émission consacrée aux playlists de Steph, mon pote de peau. Et après la pop légère de San Christopher et autres Another Sunny Day, on va foncer vers Sad Lovers and Giants, un groupe proposé par Steph, mais déjà estampillé pop and rock, le groupe britannique qui depuis 82 nous accompagne discrètement avec des mélodies magnifiques et la voix de Gareth Simon Allard. Steph a choisi Things We Never Did, j'aurais pu faire le même choix comme j'aurais pu choisir quasiment n'importe quel autre titre des Sad Lovers and Giants. cœur de notre 89e Pop and Rock, et c'est le moment pour passer au groupe que Steph nous propose et qui sont pour moi aussi des météorites, de Cocteau Twins, de Elizabeth Fraser à Lloyd Cole and the Commotions, en passant par les Tindersticks. Voici la triplette anthologique que vous propose Steph. On arrête tout, on monte le son, on se recueille et on savoure les 14 prochaines minutes. stem and start taking steps instead of one. But it's all gone now. And for those who know so beautiful hearts and I give us gifts, but when it's original and tossed away, it can easily be reclaimed by hand, by hand. Cocteau Twins, Tinderstick, Like All and the Commotion, des triplettes comme ça, vous n'en trouverez que dans Pop and Rock. Alors imaginez si on enchaîne avec le groupe de Courtney Taylor, The Dirty Rolls, le groupe maudit de Portland et copain du Brian Johnston Massacre d'Anton Newcombe. Mais trêve de blabla, on se lance dans la musique psychédélique rock des Dirty Rolls avec le morceau Bohemian Like You. De Portland, Oregon, on se jette en Irlande du Nord pour le groupe The Catchers, porté par les voix de Dale Grendel et Alice Lemon, qui avait à peine 20 ans à la sortie de ce premier et avant-dernier album du groupe The Catchers. Trésor caché d'une pop mélodique, nous dit Steph, musique lumineuse et mélancolique, une pure merveille que Steph a vue notamment en Black Session à la maison de la radio, comme souvenir particulier, la jeune Alice pieds nus. Apple bruises. Sans parler d'habitués, on connaît le prochain groupe que propose Steph dans Pop and Rock, puisqu'il s'agit de The Last Shadows Puppets, groupe qui a fourni la bande originale des Peaky Blinders. Le morceau de ce soir s'appelle My Mistake Were Made For You, et on y retrouve Alex Turner des Arctic Monkeys et Miles Kane, ex de Rascals. On écoute donc The Last Shadows Puppets avec My Mistake Were Made For You. Subtle as an earthquake, I know my mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream, she came and whisked me away and confused. And is she solid as a rock? And we scramble from the plane, and it's the fame that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now the face in the crowd she. I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to sting, give her less than everything. Around your crooked conscience she will whine. We'll be right back. Pop and Rock 89 arrive à son terme, mais c'est le groupe de Luca Haynes qui, dans les années 90, nous parlait de sa petite amie française avec son groupe The Outer, groupe très Britpop comme le décrit Steph. Allez, plus qu'un morceau avant de se quitter, j'ai choisi de traverser la Manche pour arriver en France. Pour un des groupes français les plus déjantés sur scène, on se quitte avec le groupe de Mathieu Malzieu, compositeur, poète, romancier, ici avec son Dionysos et son Jedi. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. Pyrogravure.